Dans son histoire naturelle, Pline, du livre 20 au livre 27, s'intéresse surtout aux remèdes tirés des plantes. Et d'abord, les plantes de jardin. Suivent deux pages sur les qualités du chou sous ses différentes formes, comme l'avait déjà fait Caton au IIe siècle avant Jésus-Christ dans son traité sur l'agriculture. Le pavot et l'opium. Nous avons dit qu'il y a trois espèces de pavots cultivés, et nous avons promis de parler des espèces sauvages. Pour les pavots cultivés, on pile le calice du pavot blanc et on le prend dans du vin comme soporifique. La graine guérit l'éléphantiasis, gonflement des membres inférieurs. Le pavot noir est soporifique par le suc que fournit l'incision de la tige au moment où la plante commence à fleurir. Ce suc, non seulement a une propriété soporifique, mais encore, si on le prend à trop haute dose, il cause la mort par le sommeil. On le nomme opium. Caton, dans son traité sur l'agriculture, a recommandé de semer aussi dans les jardins les fleurs à tresser les couronnes, fleurs remarquables surtout par une délicatesse qu'on ne saurait exprimer, car nul ne peut en parler avec la même facilité que la nature peut les colorer. Elle qui s'égaye et se joue dans la joie infinie d'une fécondité si variée. Les autres végétaux, elle les a produits pour les besoins et la nourriture. Aussi leur a-t-elle accordé des années et des siècles. Mais les fleurs et leurs parfums, elles ne les engendrent que pour durer un jour. Grande leçon qui manifestement montre aux hommes que ce qui fleurit avec le plus d'éclat se fane avec le plus de promptitude. La peinture même ne suffit pas à reproduire ces couleurs dans la variété de leurs combinaisons. Soit que des fleurs nombreuses entrent alternativement dans la composition des tresses, soit qu'un faisceau d'une fleur spéciale, disposée circulairement, obliquement ou en spirale, court comme une couronne dans la couronne elle-même. La coutume fut d'abord de couronner les vainqueurs au jeu sacré, avec des branches d'arbres. Dans la suite, on commença à varier les nuances par une combinaison de fleurs qui releva à la fois l'odeur et la couleur. Crassus le Riche, en 250 avant notre ère, fut le premier qui, ayant fait faire des feuilles artificielles, en argent et en or, distribua de pareilles couronnes lors de ses jeux. Pour embellir les couronnes elles-mêmes, on y ajouta des lemnisques, des rubans, à l'imitation des couronnes étrusques qui ne devaient avoir que des lemnisques d'or. Les couronnes étaient aussi employées à honorer les dieux, les lares publiques et particulièrement les tombeaux et les mânes. On ne saurait dire si l'égage du vin est plus généralement utile que nuisible. Mais en outre, combien est incertain l'effet immédiat en bien ou en mal que le vin produit. Or, c'est uniquement des propriétés médicales du vin que nous parlons maintenant. Nos ancêtres ont surtout recommandé le vin de Sorrente. L'époque suivante donna la préférence au vin d'Albe ou au Falerne. Ensuite, d'autres espèces furent mises en vogue grâce à cette très injuste manière de procéder par laquelle on impose à tous son goût particulier. Mais fut-on d'accord sur les meilleurs? Combien peu en pourrait faire usage? Que dis-je? Les riches même ne le boivent pas naturel. L'immoralité est telle qu'on ne vend plus que le nom des crus et que les vins sont frelatés dès la cuve. Aussi, chose singulière, les vins les moins estimés sont les plus innocents. Le vin entretient les forces, le sang, le teint. C'est lui qui fait la différence entre la zone moyenne tempérée et les zones extrêmes. Le jus de la vigne nous donne autant de vigueur qu'en donnent à leurs habitants ces régions sauvages. Le lait nourrit les os. Les liqueurs tirées des céréales nourrissent les nerfs. L'eau nourrit les chairs. Aussi les hommes, qui usent de ces boissons, sont-ils moins colorés, moins robustes, moins résistants à la fatigue? Un peu de vin fait du bien aux nerfs, trop de vin leur fait du mal. De même pour les yeux. Le vin, vieilli à la fumée, est très insalubre. C'est une fraude inventée dans les celliers des marchands. Le vin, dit le proverbe, obscurcit la raison. L'homme doit au vin d'être le seul animal à boire sans soif.